Gérard, est-ce que tu envisages quand même d'avoir, bon, t'as déjà eu un enfant, mais est-ce que tu envisages d'avoir un enfant avec Sandy plus tard? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Oui. Ouais. Alors, vous vous dites que vous en ferez quand? À partir d'un certain âge ou une fois que vous aurez retrouvé une stabilité financière ou... Non, on attend parce que bon, pour l'instant, c'est vrai qu'avec les problèmes qu'on a, donc on peut pas trop. Ça commence à se résoudre petit à petit, mais. Petit à petit, mais dès qu'on pourra, bon, ben, de toute manière, faut bien se dire une chose que toi, t'es coincé, toi, de toute manière, là-dedans. T'es dedans, t'es pris. De toute manière, il n'y a pas à chercher midi à 14h et ni. Je suis quoi? Pourquoi tu dis que je suis dedans, c'est-à-dire? Toi, de toute manière. C'est moi qui donne le sperme? Ouais. Non, non, non, parce que tu vas être dedans. tu vas être dedans et ça, on t'a. On va que je vais pas être dedans, j'ai déjà bourré ta femme. Non, non, t'a... non, non, mais. Ah, d'accord. On te l'a dit à Neuilly. Ouais. C'est toi le parrain, donc. Ah, ouais, c'est moi le Doma, Aldo. Ouais. C'est moi Al Pacino, ouais. Ce sera Al Pacino numéro 2. Ouais, ouais. Donc, je suis le parrain, je suis la voiture principale du mariage. Ah ouais, en plus. C'est un peu trop facile pour toi, hein. Ah ben non, mais. Et Henri là-dedans? Ah ben, Henri, pour l'instant, on en a plus de nouvelles. Ah bon? Merde. Aïe, aïe, aïe. Merde. Donc, quel âge a Sandy? Comment? Quel âge a Sandy? Ben, tu fais une chose. C'est vrai, c'est que dès qu'il entend Sandy, il panique. Comment? Non, mais tu fais une chose, dans ce cas-là, t'essayes de... Tu vas sur internet, www.sandy, tu sauras. Voilà. Exactement. Quel âge elle a? 25, 27? 27. Oh là là, je dois avoir un enfant. Hein. Elle ne fait pas. Hein. Elle en veut des enfants, elle? Vous aimeriez avoir quoi? Vous en foutez quand même du sexe, fille ou garçon? Non, mais de toute manière, moi, personnellement, je m'en fous. Que ça soit un garçon ou une fille, moi, personnellement, je m'en fous. Hein. D'accord, ok.